بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد بدأنا قبل أسبوعين حديث المغيرة ابن شعبة والدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. On a commencé il y a deux semaines le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba, ainsi que l'invocation que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de chaque prière. وفي آخر هذا الحديث قال كان النبي أو كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. Et à la fin de ce hadith, il nous dit donc, et certes il interdisait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait qil wa qal, donc c'est-à-dire les on-dit. Il interdisait les on-dit et le fait de gaspiller l'argent, ainsi que le fait de beaucoup demander. Et il interdisait la désobéissance, il interdisait donc la désobéissance, la négligence envers les parents, envers al-ummahat, les mamans, et le fait d'enterrer les filles vivantes. Et il interdisait man'in wahat, le fait de retenir et de demander. هذا الكلام مهم للغاية. Cette parole, à la fin du hadith, cette parole, elle est très importante. يستفاد منه النهي عن قيل وقال. Et donc, on tire, parmi les leçons de cette parole, on tire l'interdiction des on-dit. أي كراهية نقل الإنسان أو نقل الإنسان لكل ما يسمعه. C'est-à-dire le fait qu'il est détestable que la personne va propager tout ce qu'elle entend. وَالنَّاسُ لِلْأَسَفْ لَا يَنْتَبِهُونَ أَوْ لَا يَتَنَبَّهُونَ لِذَلِكَ. Et malheureusement, les gens ne font pas, ils n'accordent pas d'attention à cela. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Et c'est l'imam Muslim a cité dans son recueil As-Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à l'individu comme mensonge de parler de tout ce qu'il entend. Il lui suffit comme mensonge de parler de tout ce qu'il entend. Tout ce qu'il entend, il en parle. الناس لا يتأكدون من النقولات. Les gens ne vérifient pas ce qui est propagé. لا يبحثون هل الكلام صدق أو كذب. Ils ne cherchent pas est-ce que cette parole est véridique ou mensongère. وينقلونه. Et ils propagent cette parole. ولا يتأكدون من الكلام هل فيه ظلم على أحد أو لا. Il ne vérifie pas si cette parole contient une injustice sur une personne ou pas. والناس ينقلون أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. Et les gens propagent des hadiths mensongers concernant le prophète صلى الله عليه وسلم. لا يتأكدون من صحتها. Ils ne vérifient pas le caractère authentique du hadith. لا ينظرون إلى أقوال العلماء فيها. Les gens ne regardent pas les paroles des savants sur des hadiths. Ils les propagent. Le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit, il propage. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. Et certes, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui ment à mon encontre alors qu'il prépare sa place dans le feu. Celui qui ment à mon encontre alors qu'il prépare sa place dans le feu. وكذلك فيه النهي عن إضاعة المال. Il y a aussi dans ce hadith l'interdiction de gaspiller l'argent. Ay israfuhu fi ma la yanfa'u fi ad-dunya wa la fi al-akhirah. C'est-à-dire le fait de dépenser cet argent dans ce qui n'est pas profitable pour le monde d'ici-bas ni dans l'au-delà. Le fait de dépenser ton argent dans ce qui n'est pas profitable ici-bas ni dans l'au-delà. Aw infaqu hadha al-mal fi al-muharramat wa fi ma yadurru al-insan. كَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي التَّدْخِينَ. Ou alors le fait de dépenser cet argent dans ce qui est illicite, dans ce qui va faire du tort à l'individu, comme ceux qui dépensent leur argent dans les cigarettes. وَهَذَا أَشَدُّ. Et cela est plus grave. يُنْفِقُ مَالَهُ فِي أَمْرٍ لَا يَنْفَعُ بَلْ يَدُرُّهُ. Il dépense son argent dans un sujet qui ne lui est pas profitable, mais pire que cela, un sujet qui lui, quelque chose qui lui fait du tort. وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ. Il y a aussi dans le hadith le fait qu'il est détesté de beaucoup demander. وَكَمْ يُرَادُ مِنْ ذَلِكَ السُّؤَالِ الَّذِي لَا فَائِدَةَ مِنْهُ كَمَنْ سَأَلَ شَيْخًا مِنَ الْمَشَيْخِ مَنْ سَيَكُونُ زَوْجَ مَرْيَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et donc, aussi il y a dans ce hadith le fait qu'il est détesté de beaucoup demander, et il se peut qu'il soit voulu par là, le fait de poser des questions qui ne sont pas profitables. Comme celui qui a demandé à un cheikh parmi les mashayikhs, il a demandé à un enseignant, qui sera l'époux de Mariam au jour de la résurrection? Cela n'était pas profitable. Qui sera l'époux de Mariam au jour de la résurrection? Concentre-toi sur toi, ce dont tu as besoin pour faire partie des bienheureux au jour de la résurrection. Ou alors la question qui sera posée pour mettre le questionneur dans une situation instable où il ne peut pas répondre. Ou autre que cela parmi les questions qui ne sont pas profitables. Wala yufhamu min dhalik karahiyatu su'al. لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et on ne comprend pas de cela qu'il est détestable de demander, de poser des questions. Car Allah Ta'ala, c'est lui qui dit فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et donc Allah Ta'ala nous incite à demander. Cependant, nous devons faire attention aux questions qui sont posées. وَقَدْ يُرَادُ بِكَثْرَةِ السُّؤَالِ السُّؤَالُ عَنِ الْمَالِ وَالْعَوْنِ. Et il se peut qu'il soit voulu par le fait de beaucoup demander. Il se peut qu'il soit voulu par là le fait de demander de l'argent ou demander de l'aide. وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكِ. Et certes, cela est interdit, cela. Donc il y a des textes qui montrent l'interdiction de cela. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et lorsque tu demandes, alors demande à Allah. وَأَخْرَجَ أَبُو دَعُودِ عَنْ ثَوْبَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا أتكفل له بالجنة. Et certes, Abu Daoud a cité dans son recueil, son affaire Ban, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend l'engagement, celui qui prend pour moi l'engagement de ne rien demander à qui que ce soit, alors je lui garantis le paradis. Alors je lui garantis le paradis. Fait qu'on laisse à Oban, Anna! Alors Thauban, lorsqu'il a entendu ça, il a dit: moi, je prends l'engagement. Fekene la yas'alu ahadan shay'an. Alors Thauban, il ne demandait rien à personne. Ayyuhan nas, la budda an nafham anna 'adama as-su'al min tamam ar-ridha bi qadarillahi ta'ala. Oh, gens, il est impératif que nous comprenions que le fait de ne pas demander aux autres fait partie de l'aspect complet de l'agrément du destin qu'Allah Ta'ala a décrété. وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ شَيْئًا. Et certes, Allah a fait l'éloge de ceux qui ne demandent rien aux gens. Allah Ta'ala qui dit: lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al jahil aghniya'a min at ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Pour les pauvres, les nécessiteux, ceux qui sont restés confinés dans le sentier d'Allah, ils ne peuvent se déplacer, ne peuvent voyager sur terre. Et l'ignorant pense d'eux qu'ils sont riches. L'ignorant pense d'eux qu'ils sont riches à cause du fait qu'ils ne demandent rien. At-ta'affuf, ils ne demandent rien. Ta'rifuhum bisimahum. Tu les reconnais par leurs signes apparents. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ils ne vont donc demander à quiconque. Ils ne vont pas demander aux gens. Ils ne demandent rien à quiconque. Ils ne vont pas importuner les gens en mendiant. Allah Ta'ala, il a fait l'éloge de ces personnes. Wa qad ta'rifun. ما حصل في البيعة أن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا شيئا. Et certes, vous savez que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم lors du pacte d'allégeance ont donc se sont engagés à ne rien demander aux gens. فكان بعضهم إذا سقط صوته من على راحلته لا يسأل أحدا أن يناوله إياه بل ينزل فيأخذ صوته. Et donc après avoir pris cet engagement, certains d'entre eux, lorsque son fouet tombait alors qu'il était sur sa monture, il ne demandait à personne de lui ramasser son fouet et de lui donner. Mais il descendait lui-même de sa monture pour le ramasser et remontait sur sa monture. فالمؤمن لا ينبغي له أن يسأل الناس إلا إذا اشتد الأمر. Et donc le croyant, il n'est pas convenable qu'il demande aux gens, sauf quand cela est difficile, ça devient difficile. Et donc là, il y a besoin de demander aux gens, alors là, tu demandes. وَمِنْ هُنَا تَكَلَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَا فِي كَوْنِ الرَّجُلِ يَسْأَلُ النَّاسَ أَنْ يَدْعُوا لَهُ. Et à partir de là, certains savants, ils ont parlé du fait que l'individu va demander aux gens d'invoquer pour lui. Invoquer en ma faveur. فقال هذا داخل في المسألة، وهو أيضا يحرم على نفسه الدعاء. Et donc, ces savants qui ont abordé ce sujet, ils disent que cette personne, donc cet acte, le fait de demander aux gens d'invoquer pour nous, cela fait partie de demander, des demandes donc qui sont détestables. Et aussi cette personne, elle va se priver du fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'elle va demander aux autres d'invoquer pour elle. لكن الصحيح ان الامر ليس كذلك. Cependant, la vie la plus juste, c'est que ceci n'est pas correct. اولا من سال الناس ان يدعوا له لا يحرم على نفسه الدعاء لانه ايضا يدعو معهم. Premièrement, celui qui va demander aux gens d'invoquer pour lui, il ne va pas se priver de l'invocation lui aussi, parce que lui-même, il va invoquer avec eux. Il demande aux gens d'invoquer pour lui, il va invoquer avec eux aussi. ثُمَّ تَكَلَّمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيَّنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَأَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْعُوا لَهُ. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a abordé ce sujet. Et il a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a demandé aux musulmans, il a demandé aux croyants d'invoquer pour lui. Akhraja muslimun fi sahihihi. An Abdillah ibn Amr ibn al-As. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. L'imam muslim a cité dans son recueil, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit qu'il a entendu le messager, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous entendez le mu'adhin, donc celui qui fait l'adhan, si vous entendez le mu'adhin, alors dites comme lui, il dit. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. Puis صلوا علي. Et donc invoquez en ma faveur as-salat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc puis faites la salat me concernant, donc c'est l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui fait la salat en ma faveur, alors Allah Ta'ala va faire la salat, Allah Ta'ala va faire son éloge par celui-ci. Donc la salat d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce qui est voulu, comme on l'a dit au début de Kitab al-Salat, c'est l'éloge. Et donc celui qui invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala va faire son éloge 10 fois. ثم سل الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Puis demander à Allah pour moi al-wasila, car celle-ci c'est un degré du paradis qui ne convient qu'à un seul des serviteurs d'Allah. Et j'espère que je suis celui-ci. Alors celui qui demande al-wasila en ma faveur bénéficiera de al-shafa'a, l'intercession. فأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هنا شيئين. Et vous remarquez ici donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé 2 choses. Es-salat, le fait qu'on invoque pour lui. Donc, es-salat, la prière, donc, ibrahimique. Wa kadhalika, ou alors du moins, excusez-moi, pas la prière ibrahimique, donc, es-salat wa alayhi. Le fait, donc, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse ses éloges. Wa kadhalika, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé el-wasila. Donc cette place se rend du paradis. Lakin intabihu fa inna al-muta'ammil fi hadha al-hadith يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المؤمنين أن يفعلوا شيئا ينفعهم فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة يوم القيامة. Cependant, faites attention. Donc oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a demandé aux croyants d'invoquer en sa faveur. Mais faites attention. Pourquoi? Parce que celui qui médite bien sur ce hadith, il constate que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux croyants de faire quelque chose qui leur est profitable à eux. Car celui qui va invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fera son éloge 10 fois. Et celui qui demande al-wasila, ce degré du paradis en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là bénéficiera donc de l'intercession. Et donc c'est cette personne qui va faire cela, qui va donc profiter de cette invocation qu'elle a faite. إذن لا بأس أن يسأل المرء الناس أن يدعو له. Et donc, il n'y a pas de mal à ce que la personne demande aux gens d'invoker pour elle. بقصد أن يستفيد الناس من هذا الدعاء كذلك. Si la personne, lorsqu'elle demande aux gens d'invoquer pour elle, la personne a l'intention que les gens, eux, il profite aussi dans cette invocation. Si la personne a l'intention que les gens, eux aussi, profitent dans cette invocation. ولكن المرء لا يكثر من ذلك لأن الإكثار منه لا يعرف عن السلف. Cependant, la personne ne doit pas faire cela souvent. Elle ne doit pas beaucoup faire cela. Pourquoi? Car le fait de beaucoup faire cela n'est pas connu des Salaf, n'est pas connu des pieux prédécesseurs. Et donc, il est important donc, de bien comprendre ce sujet. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.